Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classic Oldies. J'ai très peu rendu hommage aux artistes français jusqu'à maintenant, alors j'ai décidé de vous parler d'un auteur, compositeur, interprète, bien de chez nous, enfin de Franche-Comté plus précisément. Il s'appelle Hubert Félix Thiéphaine et il cumule 40 ans de carrière. Alors pourquoi lui plutôt que Clo-Clo ou Mike Brandt? Eh bien parce que c'est un artiste qui a réussi à se démarquer en créant un univers très barré et différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre en France. Très polyvalent dans son écriture et ses musiques, on peut tout de même l'associer au rock. Bénéficiant d'une grande culture historique et artistique, Thiéphaine a été fortement influencé par des chanteurs comme Léo Ferré ou des écrivains comme Baudelaire. Peu présent dans les médias, on peut qualifier sa musique à l'époque d'underground. Lors de la sortie de son premier album en 1978, s'intitulant « Préparez-vous », tout corps vivant branché sur les secteurs étant appelé à s'émouvoir, on comprend très rapidement les intentions de l'artiste. Varier au maximum ses musiques, jouer avec les mots jusqu'au point de ne pas comprendre parfois le sens des musiques. Ce premier opus, gorgé d'humour folk, reste son plus grand classique. On retiendra notamment les titres « La fille du coupeur de juin » et « L'ascenseur de 22h43 ». Sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Notre écorché vif va continuer dans cette voie jusqu'au début des années 80, période durant laquelle ses chansons vont prendre un tournant plus rock. Bien entendu, ses textes burlesques sont toujours aussi présents. Thiéphaine va donc obtenir un plus grand succès, les ventes se ressentent, les disques d'or tombent, mais il ne sera pas pour autant plus présent à la télévision. En 17 albums studio, Thiéphaine ne s'est jamais trahi et a toujours écrit et composé ce qu'il voulait en conservant sa patte artistique de ses débuts et en explorant de nouvelles facettes au fur et à mesure des années. Ainsi, il est tout aussi important d'écouter Stratégie de l'inespoir, datant de 2014, que De l'amour, de l'art ou du cochon de 1980. Plutôt que de chanter l'amour, comme beaucoup d'artistes de la variété française, Thiéphaine aborde des thèmes divers et variés, la drogue, la folie, la mort, la musique ou encore la société. Allant du non-sens aux belles ballades, Thiéphaine peut en déranger plus d'un, par sa voix ou par le malaise de certaines chansons. Mais si vous réussissez à rentrer dans son univers, vous ne voudrez plus vous en aller. Au même titre que Jacques Higelin ou Alain Bachung, Thiéphaine, par son vocabulaire riche et ses compositions éclectiques, fait la fierté de la chanson française. A noter qu'il est régulièrement en tournée partout en France. Alors il n'a peut-être plus recours à des gags visuels et des déguisements comme à l'époque, mais ça reste une expérience unique dont vous n'en sortirez pas indemne. Mais la brume est tombée trop vite en oubliant les chapelles. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tanavandés. Je suis la môme kaléidoscope, j'avais des robes à 200 sacs et c'était pas dans le viandox qu'on pouvait me voir planquer mon... Autant être honnête avec vous, je ne connais que très peu sa discographie des années 90 et 2000, alors mes coups de cœur proviendront principalement de ses débuts. J'ai essayé de varier dans les styles de chansons et mon premier coup de cœur est une chanson plutôt classique et bien axée rock'n'roll. Elle s'intitule « Taxiphonant d'un pack de crocs ». J'avais oublié de préciser que les titres de ces musiques sont généralement incompréhensibles, du moins au début. Cette chanson possède de bons solos d'harmonica et une guitare au top. Les paroles d'un Thiéphaine qui paraît déboussolé et un peu déprimé sur une mélodie pourtant enjouée. SOS, amitié, allô, SOS, amitié, excusez-moi de vous déranger, mais si je peux encore vous causer, c'est que mon pétard est enrayé. Cette chanson est issue de l'album Dernière balise avant mutation, que je vous conseille fortement, aucun titre ne sont à jeter. On retrouve parfois dans son répertoire de beaux morceaux émouvants, c'est le cas avec Je t'en remets au vent ou encore Autoroute jeudi d'automne. Mais c'est plus particulièrement le titre Mathématiques souterraines qui m'a conquis de ce côté-là. Très belle ode à une jeune fille accompagnée d'une séduisante ligne d'accords de guitare. Il s'agit de Mathématiques souterraines. Thank you.